Si vous saviez, savez-vous ce que je pense de la théologie? La théologie, c'est un des outils de l'intellect pour pallier au fait que, justement, l'être humain pense. Dans le sens que, si vous prenez les révélations, c'est-à-dire les religions révélées, vu que l'être humain a une vision polarisée, vu justement qu'il est intellectuel, il n'avait pas le choix d'être théologique parce qu'il faut qu'il interprète. Il n'est pas capable de voir, faut il faut qu'il comprenne avec son intellect, donc on ne comprend rien. Puis la théologie, ça aboutit à nulle part. Ça n'a pas le choix d'aboutir à nulle part. Sais, je veux dire, c'est de la philosophie du révélé. C'est de l'intellect du divin. C'est un nivellement vers le bas, là. Ça peut pas.